Lloyd, on dirait une cassette de Maxi Tube. Ça vient peut-être du pirate qui a caché ce trésor. Vas-y, passe-la nous.